Ceci est une lecture de Léa pour audiocité.net. Tirée de la Bible, les psaumes. Pour le matin. Psaume numéro 5. Écoute mes paroles, Seigneur, comprends ma plainte. Entends ma voix qui t'appelle, ô mon roi et mon Dieu. Je me tourne vers toi, Seigneur, au matin. Tu écoutes ma voix. Au matin, je me prépare pour toi et je reste en éveil. Tu n'es pas un Dieu ami du mal. Chez toi, le méchant n'est pas reçu. Non, l'insensé ne tient pas devant ton regard. Tu détestes tous les malfaisants. Tu extermines les menteurs. L'homme de ruse et de sang, le Seigneur le hait. Pour moi, grâce à ton amour, j'accède à ta maison. Vers ton temple saint, je me prosterne, saisi de crainte. Seigneur, que ta justice me conduise, des ennemis me guettent, aplanis devant moi ton chemin. Rien n'est vrai dans leur bouche, ils sont remplis de malveillance. Leur gosier est un sépulcre béant et leur langue un piège. Dieu, traite-les en coupables, qu'ils échouent dans leurs projets. Pour tant de méfaits, disperse-les puisqu'ils te résistent. Allégresse pour qui s'abrite en toi, joie éternelle. Tu les protèges, pour toi ils exultent ceux qui aiment ton nom. Toi, Seigneur, tu bénis le juste, du bouclier de ta faveur, tu le couvres.